On a grandi comme les princes de la ville, fou comme prince de Bel Air. Flo Corvette Ford Mustang, dans la légende. La police d'une à 6 étoiles, à toujours se dire Bel Air. Trop gentil comme Cody, sentiment dans la salle du temps. Il était une fois deux frères, deux faux, deux trous dans le cerveau, poteau de père. Conditionné au fond d'un hall sur une chaise, emprisonné des rêves qui brisent plus d'une chaîne. Esprit de gosse caché derrière le V, pris d'ambition en stagnant devant LV. Salaire de bas que chaque soir dans les nailles, bénéfice de la bœuf qui part dans le mail. On a grandi comme les princes de la ville, les rois du hall. Dans le ciel pas plus d'une étoile, en face du trône. Des grammes, des kills de peine mènent dans le bain. Deux frères, deux faux, le M. Dans le jeu, je suis vérifié dans la jungle et pas de grand frère. Papa nous a connu tête contre tête, nous a dit je veux un amour en fer. Je veux personne d'entre vous, même pas moi, même pas les anges de l'enfer. J'ai aimé mon frère plus que ma vie, comme me l'a appris mon père. Chaque rêve, chaque cauchemar, chaque nuit, chaque euro partagé. Et à part les nombres de cicatrices, rien ne va changer. Dans le même miroir, on s'est regardé. Même dans les mêmes trous noirs, on s'est égaré. Comme des petits, on avait les mêmes sables, plus grands, les mêmes armes. Même Niax, même terrain, Igo, les mêmes schlagbos. Jamais les mêmes femmes, moi c'était les belles blondes. Lui, les vénézuéliennes, moi dehors, lui qui tombe. Rien ne nous sépare, même pas nos bitches. Tout ce que je prends, je te le donne un peu comme envie. Qui sait ce que je vis, que moi qui sais ce que tu vis. On s'est dit c'est l'heure de les baiser si on fusionnait chi. Thank you. Yeah.